C'est Jazz LOK Fama Steady 84 BPM. Yeah, RPG, stop, libre, on arrive, c'est notre temps dans notre vie. Mille le ciel, mille le ciel. Plus besoin de vous dire que c'est d'un step qu'on se fait les gars. Yes, RPG, stop, libre, on arrive, c'est notre temps dans notre vie. Mille le ciel, mille le ciel. J'arrive crème mais loin d'être l'aile. Dans la tête déjà une taille. Le mic m'appelle Obi-Wan Kenobi. Le rap mon Obi-Wan je te le dis. LOK le MC aussi critique Shinobi. Dans la main le MIC. L'amour de l'art et les racines de Léonard de Vinci. Écrit instinct, comportement instable. Je parle tout le temps de ma vie parce que je n'aime rien à l'échelle. J'ai mes repères, mon vécu et toutes mes galères. Mes plans cœur même pas quelle heure. J'ai mes coups de cœur et mes coups de gueule. Mes premiers coups de terre sur un coup de feu. Et ouais ma ville est la sale caractère. Pour rester tranquille, surveiller tes arrières. Mulhouseville mis en avant première. Casse les 10 niveaux sont ces jets qu'on va refaire. Yeah, RPG stop libre. On arrive c'est notre temps dans notre vie. Mulhousien, mulhousien. Nul besoin de vous dire que c'est d'un step qu'on se fait les gars. Yeah, RPG stop libre. On arrive c'est notre temps dans notre vie. Mulhousien, mulhousien. Père qui danse sans fils ni procédé. Dans le rap j'ai trop cédé car j'ai vu des renseignés. Tu peux t'enseigner. J'analyse des phrases de dingue quand les distances gênent. Nous les faisons partie trop tôt. Et ces chrysanthèmes restent souvent en place quand les distances gênent. Dans les mises en scène c'est ça le caractère ma ville. Où y'a pas d'acteur habile. Je l'ai appris par un client. Dans le rap je me sens comme un poisson dans le prénom des flippers. J'ai plus de dossiers que sur toi. Fais ce que tu peur. Tu flippes. Quoi ça mes révélations. Mais n'est crainte moi je mets juste mes rêves en action. Donc mes sauces me disent Mulhouse figure dans une zone, les rinov type. Dans tes textes, c'est ta manière de piloter le rap. Donc évite de pivoter, je braque la prod. Et tous ceux et celles qui bougent la tête. Ouais, Fama Steady, LOK, te passe un message. Que si tu m'y testes, tu feras de la peine au rap. Yeah, RPZ, nous sommes libres. On arrive, c'est notre temps dans notre vie. Mulhousien, Mulhousien. Nul besoin de vous dire que c'est d'un step qu'on se fait les gars. Yeah, RPZ, nous sommes libres. On arrive, c'est Mulhousien, Mulhousien, Mulhousien, Mulhousien, Mulhousien.